Non, je ne suis pas déçu parce que d'abord, c'est une grande première pour le pays que nous avons pu nous présenter et qu'il y avait une élection avec 4 candidats. Donc, c'est une grande première. Voilà, mais c'est tout de même un échec, monsieur, pour vous, les opposants, non? Les résultats qui commencent à être comptés actuellement, il y a deux choses qu'il faut voir. D'abord, les résultats en ville. Nous les battons en ville, dans les grandes villes, où les élections sont à peu près quand même sûres et démocratiques. Nous, on a gagné. Mais dans les brousses maintenant, c'est les brousses qui montent maintenant. On a la moitié déjà des résultats. Il y a maintenant le trucage des résultats en brousse qui commence maintenant. Les véritables procès-verbaux ne sont pas communiqués à l'intérieur. On en fabrique des procès-verbaux trafiqués ou des résultats trafiqués. Donc ce ne sera pas étonnant si maintenant la moitié des résultats des votes va dans le sens où le candidat président aura à monter son score de 50 à 60 ou même 70%. Quel sera finalement donc le résultat de ces élections, Likam Bokolo, et quelles conclusions peut-on tirer de cette expérience malgache ? Madagascar est peut-être encore un cas un peu singulier. La grande île, en effet, connaissait depuis le milieu des années 70 une expérience assez originale. Le Front national pour la défense de la Révolution opérait comme un parti unique de fait. Mais en même temps, le Front était un regroupement, comme son nom l'indique, de plusieurs partis politiques. Et de fait, face au pouvoir de Didier Ratirak, il y a toujours eu une opposition. Et l'on voit bien que de 1977 à 1989, toutes les élections ont opposé le parti au pouvoir et le président en exercice à des candidats rivaux. Et en 1989, Didier Ratirak est réélu, j'allais dire seulement, avec 62,71% des voix. Première guerre du Shaba, réforme imposée par le FMI et la Banque mondiale, agitations diverses. En cette année 1977, déjà, le président zaïrois Mobutu Sese Seko doit impérativement bouger. En juillet, il s'adresse à son peuple.